Rat vol ennemi, en cavale ennemi, ça sera val ennemi, ra ra sur les ennemis, ça brat vol ennemi, en cavale ennemi, ça sera val ennemi, ra ra sur les ennemis. J'embrasse la guine sur le bout des lèvres, du chemin droit, je suis mauvais élève. Embrayage, le guidon s'élève, stop le shit, ton esprit s'élève. J'suis connu, mec, j'suis pas célèbre. Du quartier, mec, j'suis pas select. Bien coaché, j'mets les bandelettes. Gros crochet dans tes dents de lait. Lire 15 heures sur une eau de mare. Manque d'argent, j'fais des cauchemars. On veut pas de tes fausses marques. J'suis de ces fauves que la fausse marque. Gros braquage en fausse plaque. Des balances des ennemis. Passe nous toc, big, big, you pack. J'suis dans le rap à la ennemi. Ça braque, vol, ennemi. En cas, val, ennemi. Ça sera val, ennemi, ra ra sur les ennemis. Rat vol ennemi, en cavale ennemi. Ça sera val ennemi, ra ra sur les ennemis. Faut-il vraiment qu'on se tire dans le dos? Viens voir où je traîne, ça fait comme dans Blo. Marseille c'est chaud, les gens sont déter. Imagine tu réunis Pablo et Django. Ramène ta folle, tu fais danser le tango. Un peu de muscle qui me fait le Rambo. Ça vole en kangou. RDV au wrestler pour bien manger, ben faut bien le cambou. J'ai voulu te montrer pour toi t'as fait un soleil. Je rencontre mes soins avant de trouver le sommeil. Les schmitts passent dans le décart comme des héros. Ces fils de pute font des prises de sommeil. Faut que je reste honnête pour ceux qui veulent me connaître. La pointe à fond vert, tu connais la connect. Viens pas me gratter, je suis pas ton collègue. Dédicace au guetteur, ce qu'on fait de relève. J'aimerais revenir en arrière. Dans ce monde, on a rien sans rien. À chaque seconde, je pense aux galères. Voir ce qu'il faut faire pour avoir un salaire. J'aimerais revenir en arrière. Dans ce monde, on a rien sans rien. À chaque seconde, je pense aux galères. Voir ce qu'il faut faire pour avoir un salaire. Brat vol ennemi, en cavale ennemi, ça sera val ennemi, ra ra sur les ennemis. Brat vol ennemi, en cavale ennemi, ça sera val ennemi, ra ra sur les ennemis. Ennemi.